Chapitre 10e, la rose noire. Le lendemain soir, tout n'était que bruit et confusion autour d'un assez beau corps de logis se déroulant avec une majesté architecturale peu commune à Saint-Jean-de-Luz, dans la rue de Saint-Niago. Des chevaux piaffants y menés par des laquais, des coches, des litières et surtout le son de 20 instruments tenaient en éveil la curiosité des gens du dehors. Un monde bariolé, pimpant, couvert de broderies et de perles, arrivait de Saint-Sébastien et affluait aux portes de l'hôtel illuminé. Le bal allait s'ouvrir à l'instant même sur un échafaud dressé dans la cour et servant de galerie. Les violons et les danseurs étaient à leur place, lorsqu'il y eut un léger murmure dans la salle. Ce murmure était causé par l'arrivée de deux femmes vêtues en monnerasse et que suivait à distance un cavalier d'assez haute taille portant un domino bleu. Ce domino surveillait les moindres mouvements des deux femmes avec une attention singulière. Introduit par les huissiers de la marquise, après avoir présenté ses lettres d'entrée, ce trio prit place sur une des banquettes à crépines d'or qui formaient le fond de la salle. Le costume adopté par les deux dames, dont le masque couvrait le visage, était entièrement blanc. L'une d'elles avait seulement un ruban noir en forme de rose sur la poitrine. Elles ne restèrent pas longtemps en place, car un cavalier se détachant des groupes qui affluaient aux abords de la galerie, vint prier également l'une des nonnes de danser avec lui un pas français en vogue au palais cardinal, et dans lequel le roi Louis XIV excellait. C'était un pas charmant, rempli de gaillardes et de coupés, que l'on ne trouverait guère aujourd'hui que dans les livres de danse composés par M. Rameau. À la seule vue de ce cavalier, vêtu des plus riches habits et tenant son masque à la main, le nom du chevalier de Charny courut rapidement de bouche en bouche. C'était lui, en effet, lui, non moins beau danseur que le marquis de Saucourt ou le duc de Sully, lui dont la comtesse s'empressa d'accepter l'invitation pendant que sa compagne agréait celle du marquis de Villequier. Le quadrille formé, tout ce qu'il y avait de plus considérable dans cette fête s'en rapprocha comme par instinct. C'était une danse française qu'on allait danser, et le duc de Créqui, donnant le bras à la marquise de Harrault, voulut voir lui-même le succès de cette audace. Quelques vieux seigneurs espagnols en grommelaient bien entre eux, mais la grâce avec laquelle Charny et la comtesse exécutèrent les préludes de cette danse amenèrent bientôt l'éloge sur toutes les lèvres. Le marquis de Villequier et Charny s'y surpassèrent. Pourquoi donc ce déguisement de nonne ? Demanda le chevalier à sa danseuse, en ne pouvant réprimer une légère émotion. Vous me feriez croire que vous allez prononcer vos vœux. « Pas plus que ma jeune cousine qui danse en face avec votre ami de Villequier, » répondit-elle. « Seulement, comme vous songez toujours à votre belle et qu'elle vous a promis d'entrer au couvent, c'est une façon de vous attacher à notre char, mon beau chevalier. » Un léger nuage passa sur le front de Charny, mais il reprit bientôt sa gaieté en se voyant l'objet de tous les regards. La dame à laquelle il donnait le bras devint aussi le point de mire des curieux. Nul ne perçait le voile de son mystérieux incognito. « Savez-vous que l'on vous prend pour une véritable abbesse ?» reprit Charny. « Il ne vous manque que la croix et la mitre pour compléter cette sainte illusion. Vous me présenterez, je l'espère, à votre cousine, ne fût-ce que pour donner un peu de jalousie à Villequier, dont les assiduités ont l'air de l'ennuyer souverainement. Par ma foi, comtesse, elle est digne d'être votre sœur, elle a presque votre taille. C'est une petite fille arrivée hier de Burgos, où nous l'avions mise au couvent de Las Huelgas, sous la surveillance d'une abbesse bien rigide, plus rigide que moi, » ajouta la comtesse en laissant Charny lui serrer la main. « Mais j'y songe. Votre fugitive, en se rendant au couvent, n'a pu prendre que ce chemin-là, et peut-être que Carmen nous donnerait des détails. Je vais l'interroger, car elle est si timide, si gauche. Pas un mot de français à espérer d'elle, elle ne parle que l'espagnol. » Qu'à cela ne tienne, je puis soutenir la conversation. Voyez-la, comtesse, et prévenez-la en ma faveur. » Le marquis de Villequier, voyant arriver la comtesse de Liège près de sa danseuse, se répandit en compliments et en éloges devant elle. Sa cousine, disait-il, était charmante. À la cour de France, il n'y avait guère que mademoiselle de Menneville qui eut cette grâce et cet esprit. « Ce pauvre Villequier, » murmura le duc de Créqui, « il est toujours amoureux de la belle mademoiselle de Menneville. Il la voit partout. Il a beau chercher à s'en distraire, il y perd son temps. Tenez, chevalier, » ajouta le duc en entraînant Charny dans la galerie, « rien n'est capable de consoler un amoureux. Mademoiselle de Menneville se marie bientôt, donc la voilà perdue pour Villequier. Je sais bien que les violons, la table et la chasse, les belles conversations, le jeu et la danse peuvent amuser la vie doucement. Mais en vérité, l'absence d'une maîtresse vous rend tout cela insupportable. « Monsieur le duc, répondit Charny finement, peut bien dire cela quand il est à Saint-Sébastien, mais ici, chez madame la marquise de Harrow. Silence, chevalier, ne me mettez pas en controverse vis-à-vis d'un ministre avec qui le nôtre a déjà tant de peine à s'accorder. Hélas, reprit Charny, devenu rêveur malgré lui en songeant à ce que le duc lui avait dit précédemment. Vous avez raison, monsieur de Créqui. Comme l'a si bien dit notre bon La Fontaine, l'absence est le plus grand des maux. Oui, c'est là, je le sens, la vraie pierre de touche de l'amour, et cependant... » Le chevalier s'était rapproché du groupe qui entourait Suzanne et Concha. C'était à qui s'inscrirait pour danser avec la comtesse ou sa cousine. Celle-ci gardait une contenance si modeste qu'on eût pu croire qu'elle sortait du couvent. Monsieur de Charny l'aborda le plus galamment du monde, en la priant de vouloir bien lui faire l'honneur de se promener un instant avec lui dans cette galerie ouverte sur la campagne. L'air était moins lourd, bien qu'on fût alors à la fin de mai. Les orangers et les genêts d'Espagne jetaient partout une douce odeur. En sentant de nouveau la pression de cette main qu'elle avait déjà touchée pendant la danse, le cœur de la jeune fille battit avec force. Mais, résolue bientôt à se renfermer dans son rôle et à ne point se faire reconnaître du chevalier, elle eut l'air de prêter au discours de Charny une attention distraite. Après avoir épuisé avec elle les mille formules banales dont une jolie femme se trouve accablée dans une semblable réunion, le chevalier s'entretint des couvents d'Espagne et de celui de Burgos d'où elle sortait. Il arriva à lui demander si elle n'avait pas rencontré en chemin une jeune novice éplorée qui s'y rendait. La jeune fille, feignant alors d'entendre assez mal l'espagnol quelque peu douteux du chevalier, lui répondit par des monosyllabes ou des exclamations forcées. Mais quelque soin qu'elle prit de cacher sa voix, Charny crut à un moment reconnaître l'accent de Suzanne. Cette illusion fut bientôt détruite par malheur, car le domino bleu dont nous avons parlé au début de ce chapitre, et qui semblait guetter du coin de l'œil cette conversation, vint saluer Suzanne du nom de Señorita Carmen. « Je vous félicite, » dit-il à Charny. « Vous causez là, chevalier, avec ma nièce. Et l'on vous dit trop vertueux pour lui donner de mauvais conseils. » Le son de cette autre voix causa quelques surprises au chevalier. Il crut aussi l'avoir entendu quelque part, mais le personnage de domino bleu ne laissait rien voir de sa figure, et ce fut à grand-peine que Charny lui découvrit une paire d'éperons sous sa robe. « Je suis Don Patricio de Gongora, » dit-il au chevalier, quelque peu ému de cet incident. « Souffrez que je ramène ma nièce sous l'aile de sa cousine. » « Innocente colombe !» fit le domino bleu avec un soupir. « Il faut qu'elle rentre au couvent à la fin de la semaine. Et le couvent de Las Huelgas n'est pas si près d'ici !» murmura Don Patricio en prenant la main de Suzanne. « Ce maudit vieillard a détruit mon rêve !» pensa Charny en jetant un regard de tristesse sur la jeune fille qu'on lui enlevait. « Je me figurais que c'était Suzanne. Et cependant, elle n'avait pas la voix si sourde. Oui, mais sous le masque. Impossible de reconnaître la voix d'une femme. Sous cette rose noire, eussé-je moi-même reconnu la comtesse de Liche. Allons, chassons ces idées. Suzanne est partie. M'aimait-elle? Je l'ai cru. Mais ce départ cachait peut-être quelque intrigue. Voici l'un de mes amis, le comte du Lude. Demandons-lui donc d'occuper pour quelques secondes cet impitoyable Don Patricio, qui défend la cousine de la comtesse comme le dragon défendait les Hespérides. Après tout, je m'en vais faire la cour à la cousine de Concha. C'est un bon moyen de piquer au vif ma dédaigneuse. » Et Charny, après avoir arrêté du Lude par le nœud de son épée, lui demanda fort sérieusement s'il connaissait d'aventure un seigneur espagnol nommé Don Patricio de Gongora. « Pas le moins du monde, chevalier, » répondit Dulude. « Le cardinal est à Saint-Sébastien. J'ai quitté son jeu au coup de 7 heures et je te promets que depuis mon arrivée chez la marquise, personne ne m'a parlé de ton Patricio de Gongora. » « Tiens, » reprit Charny en montrant à Dulude le domino bleu, qui avalait alors une orangeade glacée tout en causant avec la comtesse de Liche. « Le voici, » se donne Patricio. « Tu vas me faire l'amitié de l'entretenir quelques minutes. » « Du diable si je parle à des masques !» reprit Dulude. C'est peut-être une duègne déguisée en homme. Vois donc ses éperons. Qu'est-ce que cela fait des éperons? Depuis qu'un bal chez l'amirante de Castille, une veuve espagnole de 67 ans m'a voulu séduire sous une robe de chevalier de Malte. Je vais demander à la comtesse de Liche d'entretenir elle-même cet oncle incommode, puisque tu t'obstines à me refuser tes services. C'est cela, les femmes s'entendent mieux que nous à retenir les cavaliers. D'ailleurs, si tu veux le savoir, Charny, je suis d'un triste à périr. J'ai perdu aujourd'hui 300 pistoles au jeu de son éminence. Contre l'abbé de Gordes? Du tout. Contre un inconnu, un homme venu de Saint-Jean-de-Luz. Mais en revanche, né on ne sait où, vomi par l'enfer, et présenté à nous tous par le cardinal comme un ancien brave à 3 poils qui a fait toutes les guerres. Je n'oublierai pas, par Dieu, celle qu'il a faite à ma bourse. Le domino bleu, que l'on nommait Don Patricio, et qui entendait peut-être quelques mots de cette conversation, fit en ce moment sonner la poche droite de sa veste. On y entendit le son de plusieurs pistoles. Le ciel me confonde si ce Don Patricio, duquel tu me parles, n'a pas l'air de me narguer, continua Dulude en voyant le mouvement de l'inconnu. Je vais demander à la comtesse qui il est. Précisément, il la quitte pour voir les tables de jeu. J'y vais avec toi, dit Charny. Bien, reprit Dulude. C'est peut-être un aventurier, et alors je le force à se battre ou à me prêter 300 pistoles. Madame la comtesse de Liche, dit alors Charny en s'avançant vers Concha, connaît-elle depuis longtemps ce domino bleu qui lui parlait? Belle demande, chevalier, répondit-elle avec assurance. Ce seigneur est mon parent. C'est l'oncle de ma cousine et le mien, Don Patricio de Gongora. Il est pour sa nièce d'une sévérité dont rien n'approche. Allons, reprit Dulude en poussant le coude à Charny. Voilà mes pistoles noyées. Où donc est Carmen, ma cousine? Dit subitement la comtesse en frappant sur l'épaule de Don Patricio qui s'était assis près de la table de jeu. Est-ce ainsi que vous veillez sur votre nièce? Gare à Vilquier, dit Charny à Dulude. Je ne le vois pas, ce diable de marquis, et il a dansé avec elle. La voici, reprit la marquise de Haro en ramenant Suzanne. Je l'avais promenée dans ma galerie de portraits avec monsieur le duc de Créqui. Le marquis de Vilquier vient de partir et j'avais voulu le voir monter à cheval. La marquise est à droite, murmura Dulude à l'oreille de Charny. Il est évident que Vilquier en tient pour cette petite. Danse donc avec elle, chevalier, toi qui parles bien l'espagnol. Pour moi, j'y suis d'un lourd et d'un emprunté. Je ne réussis qu'avec mon professeur de guitare, un joli instrument, et qui certainement vaut mieux que les dés. Au diable, son éminence et l'ami qu'elle nous a montré. J'étais si furieux que je récitais en sortant l'épigramme en vogue contre monsieur le cardinal. Mazarin, qui vient de Mazar, aussi pauvre que le Lazare. Tu connais le reste. Invite ta danseuse et soigne un peu le pas que tu vas faire avec la nièce de Don. Comment le nommes-tu donc? Pascaro? Patricio? N'importe. Charny s'en fut prié alors la compagne de la comtesse, et tout en lui vantant les agréments de sa belle cousine, il ne put s'empêcher de louer les siens. Elle dansait à merveille et n'avait qu'un défaut, celui de ne pas user de sa voix comme elle usait de ses pieds. À toutes ces belles phrases, dignes de l'Amadis ou de la princesse d'Estramène, celle à qui parlait le chevalier ne répondait que par son silence. Elle affectait même avec Charny une indifférence si profonde que son danseur, en la reconduisant à la comtesse sa cousine, ne put s'empêcher de dire à celle-ci « Décidément, cette petite fille, que vous ne croyez que timide, est simple au-delà de tout, ma chère comtesse. Et par ce mot de simple, je suis poli. Ce n'est pas une femme, c'est une statue de cire. Elle parle à peu près autant que votre duègne d'hier et ne compromettra pas certainement l'honneur des Gongora par les imprudences de sa langue. » La comtesse sourit et montrant le domino bleu au chevalier, « Voilà, je crois, mon oncle qui se lève. Il faut que je vous quitte, car il se fait tard, et je suis observé de près, même par mes gens. »« Laissez partir le Patricio, » dit Charny. « Songez, charmante Concha, que vous m'avez promis de ne plus me désespérer. Voici bientôt 2 ans que je vous ai vu pour la première fois. Voici 2 jours entiers que je suis pour vous sans maîtresse. Que dira-t-on de moi, Saint-Jean-de-Luz, le jour de l'entrée de Sa Majesté ? Si mes amis de France me trouvent le cœur démantelé et percé de part en part. Vous parliez hier de reliques que vous attendiez d'un moine de la Terre Sainte ou d'Espagne, je ne sais plus trop lequel. C'est à moi que vous devriez les envoyer. Qu'à cela ne tienne, chevalier, reprit malignement la comtesse en se disposant à suivre le domino bleu, qui donnait déjà le bras à Suzanne. Je vous enverrai toutes ces reliques demain à votre lever, si vous me donnez ce soir même cette bague. Cette bague ? Balbutia le chevalier, qui attachait à l'abandon de cet anneau donné par Suzanne une sorte de crainte superstitieuse. Vous hésitez ? Ce n'est certainement pas pour sa valeur, mais c'est un présent. Oui, il me fut donné il y a 3 ans. Par une femme, j'en suis sûr. Gardez-le donc, mais ne venez plus me vanter votre dévouement. Y songez-vous, Concha ? Murmura Charny en suivant d'un pas précipité la comtesse, qui faisait mine de suivre le chemin pris par Ludomino Bleu avec Suzanne. « Nous brouiller pour une bague ? J'en ferai juge, si vous voulez, votre belle cousine. » Et le chevalier, s'attachant à la poursuite de la comtesse, cherchait à l'émouvoir par les paroles et les gestes les plus passionnés, quand, sous le vestibule de l'hôtel, devenu déjà plus obscur, il entendit Concha pousser un cri au moment où elle venait d'accepter enfin son bras. Le gant d'un cavalier venait de se poser sur la main de la comtesse. Ce cavalier lui montrait un carrosse dans lequel il lui intimait l'ordre de monter. « Le duc !» s'écria Charny en faisant voler au loin d'un geste rapide le masque de Médina. Tous deux tirèrent l'épée, mais avant qu'ils eussent pu se mettre en garde, 3 sbires du cardinal les désarmèrent sur un seul geste du domino bleu. « Je vous recommande les plus grands égards !» dit alors celui que le chevalier croyait être Don Patricio et qui se démasqua incontinent. « Reconduisez, messieurs, le duc de Médina jusqu'à Saint-Sébastien dans sa voiture. Son père vous en saura gré. En attendant qu'il vous paye, voici quelques pistoles que j'ai gagnées au jeu de son éminence, le cardinal Mazarin. Arrière maintenant, et laissez-nous le passage libre. » Le chevalier, Suzanne et Concha poussèrent un cri de surprise en reconnaissant Malagotti. Dégagé de son domino, le capitaine, vêtu du magnifique habit que lui avait si obligeamment prêté la comtesse, paraissait un fort bel homme. La toilette lui allait merveilleusement, ainsi que lui-même en était convenu, et il faisait sonner joyeusement dans ses poches, veuve d'écus jusque-là, le gain ramassé par lui chez son éminence. Cependant, au cri de Médina, et plus encore à ce tumulte qui se faisait dans la rue, les valets de la marquise de Haro venaient de descendre avec des torches. Ils s'attroupèrent bientôt autour du carrosse et prêtèrent main forte au duc. Celui-ci, se voyant ainsi appuyé, reprit assurance et prenant de nouveau le bras de la comtesse de Liche. Il faut que vous me suiviez, madame. Que vous me suiviez, entendez-vous? C'est à Fontarabie que je prétends vous cacher. C'est là que vous attendrez mes ordres. Monsieur Charny, à demain. Nous nous reverrons. La comtesse, rapidement entraînée par le duc, obéit et monta dans le carrosse qui partit au grand galop, pendant que les valets donnaient la chasse à leur tour aux sbires de Malagotti. Le capitaine, soutenant dans ses bras Suzanne à demi évanouie, gagna rapidement avec elle le chemin qui conduisait chez la comtesse.